Chapitre 15. César et Aimé à la Comédie. Enfin, on gagna le 25 mai. C'était un dimanche, et à l'occasion de nous ne savons plus quel événement, il y avait fête à Fontainebleau. Jean leur promit de les y conduire. On avança la besogne le samedi, et le lendemain, dès 8 heures, tous trois étaient prêts à partir. Il les fit passer par les bois de Franchard, afin qu'ils pussent contempler ces gorges et ces rochers sauvages qui font l'admiration des touristes. Aimé n'avait jamais rien soupçonné de pareil. Il n'en était pas de même de César, qui se détourna pour voir la roche qui pleure et la grotte de l'ermite. Près de la maison du garde, un nuage lui passa devant les yeux. Il chancela. « Qu'est-ce encore ?» demanda Jean qui l'observait. « Tout à coup, répondit l'enfant, il s'est présenté à mon esprit comme une vision d'homme et de femme mutilés. Mais ce n'est plus rien. » Tous trois cheminaient d'un bon pas. Il voulait arriver assez tôt pour entendre la messe. Jean, qui savait lire, portait son gros paroissien sous le bras. Il l'ouvrit à l'église et suivit l'office avec un recueillement admirable. Se mettant à genoux, s'asseyant ou se tenant debout selon qu'on était à l'évangile, au credo ou à l'élévation. Dans ce beau livre, objet d'une grande admiration de la part de mes amis, dans ce beau livre, qui avait été imprimé à Limoges en 1808, plusieurs pages étaient notées. Jean les psalmodiait naïvement à haute voix et sans s'inquiéter le moins du monde de la cacophonie que cela formait avec le plein chant romain qu'on psalmodiait au lutrin. Quant à mes amis, bien lavés, bien peignés, ils lui faisaient honneur par leur gentillesse et leur bonne tenue et se contentaient de répéter à voix basse les prières qu'il leur avait apprises. Après la messe, on mangea un morceau sur le pouce en se promenant dans le parc où toute la belle société s'était donné rendez-vous. À 2 heures, on décida qu'on irait à la Comédie. Il y avait sur la place du marché une demi-douzaine de baraques qui faisaient rage avec leur parade. La foule qui les regardait était épaisse, mais Jean savait se faire de la place, et grâce à lui, les deux enfants se trouvèrent bientôt au premier rang. Après avoir écouté pendant quelque temps la musique de forcenés et les sottises que les saltimbanques débitaient au public, César et Aimé se décidèrent pour une baraque, où un individu costumé en diable et un autre en pierrot jouait du fifre et de la grosse caisse, pendant qu'une assez belle fille, en spencer de velours et en jupe de tulle, exécutait un pas de fantaisie, qu'elle interrompait à chaque instant pour venir souffloter le pierrot, lequel, sous prétexte de lui faire des compliments, lui disait de malicieuse naïveté. Nos amis et la foule avec eux riaient de bon cœur de la façon comique dont le pierrot recevait le soufflet, et des grimaces qu'il faisait en affectant d'avoir la mâchoire disloquée. Pendant qu'il s'amusait aux bagatelles de la porte, Jean étudiait la toile au milieu de laquelle était représentée toute la troupe faisant la pyramide. De chaque côté, on voyait les saltimbanques sautant par-dessus un magnifique cheval alezan brûlé, et de l'autre la belle fille au soufflet dansant sur la corde. Tout à fait en haut, sur une large bande nouvellement ajoutée, on lisait la réclame suivante. « Exhibition d'un chien savant élevé et dressé par le roi d'Astrakhanie. » Mithridate 75. Cette inscription qui tirait l'œil de la foule donnait à penser à Jean. Et sans rien dire à mes amis, le brave homme les fit entrer les premiers dans la baraque. Il n'avait que des places de seconde classe, mais cela ne faisait rien. On y était bien tout de même, et d'ailleurs, il ne tenait point à briller au premier rang. Mes amis étaient fort émus de tout ce qu'ils allaient voir, car malgré les descriptions merveilleuses que Sabin s'était plus jadis à leur faire, ils ne pouvaient en avoir qu'une faible idée. Sabin, du reste, avait une façon de raconter qui présentait mal les choses à des esprits simples et neufs comme eux. Enfin, le spectacle commença. Deux garçons, qui n'avaient pas plus de 8 ans, firent la culbute sur une vieille couverture, qui servait de tapis. Ils se prenaient par le bout du pied et se retournaient à tour de rôle comme des sacs de son. Après ces enfants, on amena un pauvre vieux cheval dont les reins affaissés, les jambes vacillantes, le garrot tendu et la tête morne ne disaient que trop les fatigues. Tous les hommes de la troupe, ils étaient 8, sautèrent assez lestement par-dessus, en s'aidant de la main. Puis la belle fille dansa sur la corde. Il eut ensuite un entracte pendant lequel la danseuse fit une quête. Alors l'individu costumé en diable vint annoncer que la seconde partie du spectacle se composait des exercices de M. Sabin, le célèbre jongleur, qui n'avait pas encore 12 ans révolus, et dépassait de 100 coudées en adresse et en habileté le célèbre Z du cirque de Paris. Mes amis, à l'idée de revoir leurs compagnons d'aventure, se sentirent quelque peu troublés. Le diable annonça en outre l'exhibition du chien savant, et pour clore le spectacle, le grand tableau de la pyramide. Saba s'avança et fit un beau salut aux spectateurs. « Saba, demanda Jean, n'est-ce pas ainsi que s'appelait votre voleur ?»« Oui, répondit César, et c'est le même que vous voyez là. » Saba était véritablement habile. De plus, il possédait au suprême degré l'art de se rendre sympathique à la foule, qu'il savait émouvoir, et dont il s'attirait l'admiration par l'aisance, la sûreté, la hardiesse et l'ardeur qu'il mettait à ses exercices. Il était du reste le seul de la bande qui fût réellement artiste. Aussi, dès qu'il se présentait, était-il toujours bien accueilli. Lorsqu'il eut achevé ses exercices accoutumés, on lui apporta un petit chien dont le pelage était si singulier qu'il semblait teint. Mais alors l'illustre Lucifer jugea convenable de faire un speech aux spectateurs pour les préparer aux merveilles qu'ils étaient admis à contempler. « Mesdames et messieurs, dit-il gracieusement, le chien que nous avons l'honneur de vous présenter ne se trouve plus qu'en Astrakhanie, un royaume qui est situé, géographiquement parlant, entre la Chine et l'Hindoustan. Mais ce sont là des choses que vous savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. » Approbation du public à cette flatterie délicate. César et Aimé étaient tout yeux et tout oreille. Depuis des siècles, reprit Lucifer, cette race au pelage brun, tachetée de feu, comme vous voyez, est disparue de notre vieille Europe. Vous pouvez, si cela vous plaît, consulter le travail qu'a fait sur ce sujet l'illustre Cuvier, un savant français, un de nos compatriotes, messieurs. Cette race est donc disparue de notre vieille Europe. Vous verrez aussi dans les ouvrages de l'illustre naturaliste que je viens de vous nommer qu'elle est antédiluvienne. Il y est également prouvé que les individus en sont plus intelligents que ceux de toutes les autres, et ce par la raison toute simple qu'ils ont le cerveau plus développé d'un tiers, au moins. Regardez le crâne de celui-ci. Du reste, pour que vous ne conserviez aucun doute à ce sujet, monsieur Sabin, les artistes aiment à se donner mutuellement le titre de monsieur, monsieur Sabin aura l'honneur de faire circuler Nador dans la salle. Maintenant, mesdames et messieurs, je dois, pour rendre hommage à la vérité et justice à qui de droit, déclarer que ce chien a été dressé par mon auguste maître et ami, le roi d'Astrakhanie, Mithridate 75, en personne, un grand roi, messieurs, qui aime ces charmantes bêtes, avec la même passion qu'avait jadis pour elle le roi de France, Henri III, surnommé le dernier des Valois, à cause de son courage et de sa valeur, comme vous savez tous. Si je vous donne tous ces détails, mesdames et messieurs, c'est parce que je ne voudrais pas que vous crussiez. Cet imparfait du subjonctif fit bondir un titi. Il y a des titis partout, qui s'écrièrent « As-tu bientôt fini de nous ennuyer avec ton chien ? Avec ça qu'on ne voit pas que c'est un caniche et que tu l'atteins toi-même. » Puisque t'as un cuvier, cria un autre, tu feras bien de le mettre dedans avec une forte lessive pour lui rendre sa couleur naturelle. À ces propos, le public est inconstant dans ses admirations et hélas, le public se mit à rire bruyamment. Lucifer était mécontent. « Voyons, fit le premier titi, assez de blagues comme ça, ça devient embêtant. Montre-nous ce qu'il sait faire, ton caniche, et passons à autre chose. » On rit de nouveau. Seuls mes amis étaient sérieux. Lorsqu'on se fut calmé, Sabin présenta au chien un cerceau en papier, en lui disant pour l'encourager « Holà, Nador, holà !» Mais Nador humait l'air de tous côtés et ne regardait point le cerceau. César et Aimé étaient tous debout sur leur banc. « Balthazar » s'écrièrent-ils en même temps, « ici, ici, Balthazar !» Le chien s'élança, mais Sabin eut le temps de le retenir. « Balthazar, c'est Balthazar !» criaient les deux enfants. « Ici, ici, Balthazar !» Le chien mordit Sabin pour se débarrasser de lui et d'un bond franchit l'espace qui le séparait de mes amis. Cela fit émeute dans la baraque. Tous les spectateurs s'étaient levés. On criait, on gesticulait, on interpellait Lucifer et Sabin. Tout le monde demandait des explications. Alors Jean réclama le silence d'une voix forte, et avec l'assurance que donne le bon droit, il dit en montrant Lucifer et Sabin. « Ces gens sont des misérables. Ils ont volé ce chien à mes enfants adoptifs, César et Aimé, que voilà. « Vous en avez menti !» s'écria Sabin, furieux. « Ce chien est à moi, ici, Nador !» Mais Nador fit la sourde oreille. « Vous voyez, dit Jean au public. Mais comme toujours, mes petits lecteurs, il se trouva des soutiens pour la mauvaise cause, et les deux saltimbanques furent en un clin d'œil entourés de gens qui criaient « Prouvez, prouvez donc que ce chien est à vous !»« Oui, oui, donnez des preuves !» répétaient Lucifer et Sabin, auprès de qui toute la troupe était accourue. « Pour preuve, dit Jean, je donne ma parole. Ce n'est pas une preuve, ça. Comment, ce n'est pas une preuve ? Allons, allons, mon brave homme, rendez Nador à Lucifer, qui en est le véritable propriétaire. » La belle-fille et sa mère, une horrible vieille, ridée et maquillée, toutes deux le poing sur la hanche, apostrophaient Jean en termes aussi violents que grossiers. « Si vous ne rendez pas Nador, nous allons vous conduire au poste, » disaient les amis de Lucifer. « Faites, » répondait Jean, toujours calme. César et Aimé tremblaient comme les feuilles des arbres pendant l'orage. « Faites, dites-vous, eh bien, nous allons voir. » Et ces individus qui n'avaient aucune raison de préférer Lucifer à Jean, mais qui cherchaient tout simplement à donner carrière à leur humeur batailleuse, s'apprêtaient à tomber sur le brave homme à bras raccourcis lorsqu'un gendarme qu'on avait été chercher entra dans la baraque. Aussitôt, trois enfants, deux jeunes garçons et une fillette coururent à sa rencontre. « Monsieur le brigadier, » dit le plus âgé, « il faut que vous fassiez rendre justice à ces enfants. Ce chien leur appartient. Ils l'avaient avec eux lorsqu'ils étaient aux granges chez mon père. « Soyez tranquille, monsieur Richard, » répondit le brigadier. « Mais vous-même, monsieur le brigadier, vous l'avez vu le jour où vous les avez rencontrés à la ferme. Je ne m'en souviens pas, monsieur Richard. Quoi, vous ne vous en souvenez pas? Mais regardez-les donc. Eux, je les reconnais, mais le chien... « Monsieur le brigadier, je vous donne ma parole, moi, qu'il est à eux. »« Bien, monsieur Richard. Demandez à Florentin et à Florentine si vous doutez encore. »« Non, monsieur Richard, je ne doute pas. »« Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» s'écriait-on autour de Lucifer. « Un gendarme qui reçoit des ordres d'un enfant? Qu'est-ce que monsieur Richard vient faire ici? Nous ne connaissons pas monsieur Richard, nous autres. »« Monsieur le brigadier, » dit Lucifer avec le calme d'un honnête homme, « faites votre devoir. Rendez-nous Nador et chassez ces imposteurs. » À vous dire vrai, mes petits lecteurs, le brigadier était fort embarrassé. Il ne doutait point que les saltimbanques ne fussent des coquins, mais toutes les apparences d'honnêteté étaient pour eux. « Ah bas le brigadier qui ne fait pas son devoir » criait-on dans la foule. « Ah bas le brigadier » répétèrent des voix nombreuses. On ne s'imagine pas combien de gens sont heureux de crier « Ah bas quelqu'un » ou « Ah bas quelque chose ». En attendant, Lucifer, qui était habile et ne voulait pas avoir l'air d'encourager les mutins, fit taire ses partisans. « Monsieur le brigadier, » dit-il poliment, « croyez que personne plus que moi ne respecte la justice et l'autorité dont vous êtes le digne représentant. Obtenez seulement que ce brave homme et ses enfants, que je veux bien croire victimes d'une erreur, lâchent Nador, qu'il serre dans leurs bras comme s'il voulait l'étouffer, mais qu'il lui rende sa liberté. Il va de suite revenir avec Monsieur Samin, et le spectacle pourra continuer. » Mes amis tenaient en effet Balthazar serré avec force contre leur poitrine, et se défendaient courageusement contre les agressions des jeunes saltimbanques qui voulaient le reprendre. « Allons, allons, brigadier, faites votre devoir, » disait-on autour de Lucifer. Richard, indigné, vint s'asseoir avec Florentin et Florentine auprès de César et Aimé pour les soutenir et les encourager. Le brigadier, tout en imposant silence à la foule, réfléchissait à la conduite qu'il devait tenir. Quelque chose lui disait que Lucifer était le voleur. Il avait comme un vague souvenir d'avoir rencontré ces saltimbanques, et il cherchait quelconque ils avaient à régler avec la justice. Mais où les avait-ils vus? À Villeneuve? Peut-être bien. Seulement, comme il n'en était pas certain, il ne pouvait rien faire. On n'arrête pas les gens sur de simples soupçons. Sabin, lui, ne perdait point le temps en réflexion. Il connaissait parfaitement la vérité que cherchait le bon gendarme, mais son intérêt n'était point de la divulguer. Il s'était approché traîtreusement des enfants, et là, un morceau de sucre entre les dents, un autre dans chaque main, il attendit que l'occasion se montrât propice. Elle ne tarda point. Les plus jeunes enfants de Lucifer faisaient tout leur possible pour battre mes amis. Ceux-ci, obligés de repousser leurs attaques, ouvrirent imprudemment les bras. Au même instant, Sabin enleva Balthazar, qui, s'élançant après lui, se mit à lui lécher la figure et les mains. Le pauvre animal, qui jeûnait souvent depuis qu'il était devenu le pensionnaire de Lucifer, dévorait le sucre que Sabin avait entre les dents. Alors le bon public, celui qui jusque-là avait soutenu César et Aimé, tourna du côté de Lucifer, pour qui la partie était gagnée. Et aussitôt un haro s'éleva contre mes malheureux amis et contre Jean, leur père adoptif. « À la porte, les escrocs » criait-on de tous côtés. « Au poste, les voleurs !» etc., etc. « Je n'en demande pas tant, » dit le généreux et prudent Lucifer, « qu'ils s'en aillent et qu'on n'en entende plus parler. » On les expulsa sur le champ de la baraque, et Jean lui-même, le brave Jean dont la probité n'avait auparavant jamais reçu d'atteinte, dut chercher dans la retraite un refuge contre les mauvais propos qui lui arrivaient de toutes parts. « J'espère, dit-il en sortant, que la justice prendra bientôt sa revanche et que votre triomphe ne sera pas de longue durée. » La représentation continua. La fin faisait faire à Balthazar des choses qui devaient singulièrement répugner à sa conscience de chien honnête. « C'est égal, dit un titi en sortant du spectacle. Je ne suis pas encore convaincu, moi, car ce chien n'était qu'un caniche déguisé. Et il me semble qu'il n'ait pas besoin du discernement de Salomon pour savoir où est le bon droit dans tout ça. » Richard, ainsi que Florentin et Florentine, incapables d'abandonner des amis dans la défaite, avait suivi César et Aimée et leur proposait, pour les consoler, de les conduire chez madame de Sénessey, où devait se trouver monsieur Le Bègue. « Venez, disait Richard, mon père vous fera rendre Balthazar. »« Non, monsieur Richard, non, répondit Jean, vous êtes bien honnête, mais nous ne pouvons accepter votre offre. Madame, votre tante ne nous connaît pas. Aller comme cela chez elle sera lui causer de l'embarras et peut-être du désagrément. Nous préférons retourner à la maison. Parlez de nous à monsieur, votre papa, et s'il le désire, nous irons le voir. Tout le monde sait que c'est un digne homme. Vous lui direz, monsieur Richard, que nous sommes à ses ordres. »